On va parler de soccer avec notre ami Patrick Topiano. On va aller voir qu'est-ce qui se passe avec nos équipes du secteur. Salut Patrick! Patrick, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine avec le soccer d'Olbou-Mistassini? Ben, il y a eu plusieurs matchs, là, donc je vais commencer comme d'habitude. Donc, on a eu le UCF-Saint-Milan qui a joué la semaine passée contre Métabetchouane avec une défaite de 2-0. Okay. Le senior masculin a eu deux matchs. Il y a eu une victoire 8-1 contre Berval. Puis ils ont joué hier soir au Parc Lyon, puis avec 5-5 contre Saint-Félicien. Ah. Donc, 10 buts dans un match, c'est quand même le fun à voir. Non, c'est fun. Sinon, le U16 masculin a eu une défaite contre Alma. Et le U12 a eu aussi une défaite contre Robert. OK. Donc, c'est ça pour les résultats. Qu'est-ce qui s'en vient cette semaine maintenant? Qu'est-ce qui s'en vient cette semaine? Donc, ce soir, il y a un match à 18h15 à Robertval. Donc, c'est le U12 qui joue contre Robertval. Okay. Puis, il y a un match à 19h ici au Parc Lyon. Okay. C'est le U16 féminin qui joue contre l'attaque de Saint-Denis. OK. Ensuite? Ben, ensuite, il y a la petite pause parce que là, il y a comme la fin. Ouais. Puis, on reprend lundi avec au Parc Lyon, c'est le U12 qui joue contre Saint-Félicien à 19h. Okay. Et mardi prochain, le 28, à 20h30, c'est le senior masculin qui joue au Parc Lyon contre le Mistral de Jean-Pierre. OK. Donc, c'est la semaine prochaine, la belle activité où ce qu'on va honorer, c'est les jeunes, ça va marquer la fin de l'année également. C'est ça, la semaine prochaine, jeudi le 30, ça va être la fête du soccer pour nos teams, okay. Les plus petits joueurs. OK, donc on va surveiller ça de très, très près. Merci beaucoup, Pat, on se reparle la semaine prochaine. Ça fait plaisir, Patrick Topiano du soccer à Dolboum-Sisney.